Ok, alors ce qui m'inspire pour défendre les droits, c'est donc tout d'abord je me présente, je m'appelle Rachid Oufkir, donc je suis du Rif, au nord du Maroc, et je suis ici présent au sommet des défenseurs des droits humains afin de faire, afin d'apporter le témoignage, mon témoignage à moi personnel concernant la question des droits de l'homme, les droits humains en général. Et d'apporter le témoignage sur la situation dans le Rif aussi, où un mouvement social est un mouvement social est réprimé, opprimé, ses leaders emprisonnés, des journalistes, des défenseurs de droits, des manifestants, des femmes, des hommes et des femmes ont été, ont subi toutes les mauvais traitements parce que simplement ils ont voulu, ou plutôt ils ont exprimé leur aspiration, qui est l'aspiration à la liberté et à la dignité humaine. Donc ce qui m'inspire pour défendre les droits, c'est simplement cette injustice, injustice flagrante qui gangrène la société. Et cette injustice-là est une justice générée par les autorités, par le pouvoir, par le pouvoir dominant. Et à travers ces abus, à travers la non-application des dispositions de la Constitution et simplement la non-application de la loi. Donc les expériences qui m'ont amené à défendre les droits de l'homme, ce sont voilà, c'est avoir tant d'injustice, avoir tant de manque de liberté, manque de dignité, ne peut que m'entraîner, ne peut que me pousser à défendre ces droits, tout simplement. Donc, je défends les droits parce que, à cause de toutes ces injustices que j'ai pu observer, dont que j'ai pu observer au Maroc en particulier, mais aussi à travers le monde, car il y a tant d'injustices, voilà. Donc,